Des Lauriers ajouta: Tu devrais bien me trouver une place à Paris. Oh, ce ne sera pas difficile, par monsieur d'Ambroise. Puisque nous parlions de houille, reprit l'avocat, que devient sa grande société? C'est une occupation de ce genre qu'il me faudrait, et je leur serais utile, tout en gardant mon indépendance. Frédéric promit de le conduire chez le banquier avant 3 jours. Son repas en tête-à-tête avec madame d'Ambroise fut une chose exquise. Elle souriait en face de lui, de l'autre côté de la table, par-dessus des fleurs dans une corbeille, à la lumière de la lampe suspendue. Et, comme la fenêtre était ouverte, on apercevait des étoiles. Ils causèrent fort peu, se méfiant d'eux-mêmes, sans doute. Mais, dès que les domestiques tournaient le dos, ils s'envoyaient un baiser du bout des lèvres. Il dit son idée de candidature. Elle l'approuva, s'engageant même à y faire travailler M. d'Ambroise. Le soir, quelques amis se présentèrent pour la féliciter et pour la plaindre. Elle devait être si chagrine de n'avoir plus sa nièce. C'était fort bien, d'ailleurs, aux jeunes mariés de s'être mis en voyage. Plus tard, les embarras, les enfants en surviennent. Mais l'Italie ne répondait pas à l'idée qu'on s'en faisait. Après cela, ils étaient dans l'âge des illusions. Et puis, la lune de miel embellissait tout. Les deux derniers qui restèrent furent M. de Grémonville et Frédéric. Le diplomate ne voulait pas s'en aller. Enfin, à minuit, il se leva. Madame d'Ambroise fit signe à Frédéric de partir avec lui et le remercia de cette obéissance par une pression de main plus suave que tout le reste. La maréchale poussa un cri de joie en le revoyant. Elle l'attendait depuis 5 heures. Il donna pour excuse une démarche indispensable dans l'intérêt de Deslauriers. Sa figure avait un air de triomphe, une auréole dont Rosanette fut éblouie. « C'est peut-être à cause de ton habit noir qui te va bien. » Mais je ne t'ai jamais trouvé si beau, comme tu es beau. » Dans un transport de sa tendresse, elle se jura intérieurement de ne plus appartenir à d'autres, quoi qu'il advint, quand elle devrait crever de misère. Ses jolis yeux humides pétillaient d'une passion tellement puissante que Frédéric l'attira sur ses genoux et il se dit « Quelle canaille je fais !» en s'applaudissant de sa perversité.